Bonjour à toi qui nous écoute aujourd'hui, c'est Lia. Je suis ravie de te retrouver comme tous les mardis à 8h et 13h30 pour partir ces quelques minutes bonheur ensemble. Et aujourd'hui, je te parle de la pleine conscience. Mais qu'est-ce que c'est ? La pleine conscience, mindfulness en anglais, est la conscience qui se manifeste lorsque l'on porte attention intentionnellement et de manière non jugeante sur l'expérience du moment présent. La pleine conscience s'entraîne par la méditation formelle et des pratiques informelles. Cette compétence profondément universelle est généralement peu exercée. Nous sommes en effet souvent un milieu de l'ici et maintenant, en pilotage automatique pris dans des ruminations sur le passé, des projets sur l'avenir, des jugements sur le présent. Le rythme de la vie d'aujourd'hui nous amène également à tenter de faire face à de multiples demandes. En même temps, nous éloignons ainsi de notre capacité à répondre avec calme et ouverture. Ces comportements, souvent source de stress, peuvent entraîner de la souffrance, tensions physiques, psychologiques, irritabilité, humeur morose, tensions relationnelles, impulsivité, difficulté à se concentrer, troubles du sommeil, fatigue, voire épuisement. Nous ne dominons pas les événements qui nous arrivent ni les réactions automatiques de notre corps. Nous pouvons uniquement influencer la façon dont nous sommes en relation avec eux. La pratique de la pleine conscience nous aide à développer notre capacité de recul pour observer avec bienveillance notre fonctionnement. Lorsqu'elle s'inscrit dans une pratique régulière, nous pouvons progressivement développer une relation différente avec ce qui nous arrive. La pratique de la pleine conscience permet alors d'améliorer sa qualité de vie, de développer sa sérénité, de mieux se connaître et découvrir les autres, mais aussi de gérer les émotions, le stress, l'anxiété et les ruminations mentales. D'où vient la méditation de la pleine conscience ? C'est en 1979 que Jon Kabat-Zinn, docteur en biologie moléculaire, diplômé du MIT aux États-Unis, pratiquant lui-même le yoga et la méditation, a eu l'intuition d'adapter ses pratiques dans le contexte hospitalier où le stress est très présent, aussi bien chez les patients que chez les soignants, en proposant un protocole précis. C'est de là qu'est né le programme éducatif et préventif appelé MBSR au sein de la faculté de médecine de l'université du Massachusetts, avec la création plus tard du Center for Mindfulness in Medicine, Health, Care and Society. Pratiqués dans un contexte laïque, les programmes basés sur la pleine conscience sont nés de la rencontre entre deux mondes de connaissances. D'un côté, la méditation de pleine conscience qui trouve son origine dans la tradition de la psychologie bouddhiste sous la forme d'enseignements et de pratiques, vipassana, développant les qualités universelles de présence attentive, de compassion et de sagesse. Et de l'autre, celui de la science, de la médecine et de la psychologie occidentale. La pratique de la méditation de pleine conscience se déploie aujourd'hui dans de nombreuses sphères de notre société et fait l'objet d'un nombre croissant d'études scientifiques. Mais en quoi consiste la pratique de la pleine conscience ? Eh bien, elle entraîne notre capacité d'attention et de discernement à ce qui est présent dans l'instant. Nos pensées, nos émotions, nos sensations physiques, mais également l'environnement et les relations, en y intégrant une dimension d'éthique et de bienveillance. C'est une pratique accessible à tous. Son apprentissage au travers de programmes basés sur la pleine conscience, qui se déploie sur plusieurs semaines, permet de l'intégrer pleinement dans son quotidien comme une nouvelle façon de vivre en étant pleinement présent. Qu'est-ce que cela change de pratiquer régulièrement la pleine conscience ? Entraîner son attention permet de vivre pleinement en étant plus présent et plus conscient. La pratique de la pleine conscience permet de contacter nos ressources internes, notre capacité de résilience au stress, notre clarté d'esprit, notre calme intérieur, notre liberté par rapport aux schémas réactifs habituels, notre bienveillance. C'est la relation que nous entretenons à nous-mêmes, aux autres et au monde qui progressivement peut changer et s'apaiser en voyant et en comprenant plus clairement ce qui est à l'origine de notre stress et de nos insatisfactions. Depuis 30 ans, la recherche scientifique s'intéresse aux programmes basés sur la pleine conscience qui, organisés selon un protocole précis, facilitent la réplication d'études. La science a ainsi mis en lumière de nombreux bienfaits sur la santé, réduction du stress et résilience au stress, meilleure régulation émotionnelle, concentration, neuroplasticité, etc. ainsi que sur de multiples pathologies liées au stress, douleurs chroniques, inflammation, psoriasis, hypertension entre autres. Je vous invite à approfondir le sujet, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet ou à écouter une méditation de pleine conscience. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à mardi prochain.